Dans l'arrangement de cet hôtel que Crevel regardait comme le sien, Grindot avait essayé de lutter avec Cléretti, l'architecte à la mode, à qui le duc d'Hérouville avait confié la maison de Josepha. Mais Crevel, incapable de comprendre les arts, avait voulu, comme tous les bourgeois, dépenser une somme fixe, connue à l'avance. Maintenu par un devis, il fut impossible à Grindot de réaliser son rêve d'architecte. La différence qui distinguait l'hôtel de Josepha de celui de la rue Barbet était celle qui se trouve entre la personnalité des choses et leur vulgarité. Ce qu'on admirait chez Josepha ne se voyait nulle part. Ce qui reluisait chez Crevel pouvait s'acheter partout. Ces deux luxes sont séparés l'un de l'autre par le fleuve du million. Un miroir unique vaut 6 000 francs. Le miroir inventé par un fabricant qui l'exploite coûte 500 francs. Un lustre authentique de boule monte en vente publique à 3 000 francs. Le même lustre surmoulé pourra être fabriqué pour 1 000 ou 1 200 francs. L'un est en archéologie ce qu'un tableau de Raphaël est en peinture. L'autre en est la copie. Qu'estimez-vous d'une copie de Raphaël? L'hôtel de Crevel était donc un magnifique spécimen du luxe des sceaux, comme l'hôtel de Josepha, le plus beau modèle d'une habitation d'artiste.